chercher l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom, vroom, vroom. J'ai parcouru mon chercher l'amour profond. Ma vie s'allume et mon cœur fait vroom, vroom, vroom. J'ai pensé renoncer, ne pas m'abandonner, non, pas m'abandonner. Ce jeu va me tuer, car mon cœur fait vroom, vroom, vroom. Si tu veux, on sort pour faire un tour, on marchera dans le quartier. La vieille ville a tant de secrets, avec toi ça vaut le détour. Mais si tu préfères rester au lit, avec du café, des tartines, si tu m'invites pour voir un film, je me ferai fleur sans épines. J'ai trouvé mon sang de gravité. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai lâché prise et j'ai quitté les terres gelées de ma banquise. J'ai trouvé la force de pagailler, seul sur mon radeau de fortune. Entre les courants et la lune, je ne vais que pour te retrouver. Que je cherchais, yeah, yeah. À chaque homme il fallait raconter l'histoire de ma vie en entier, et je la traîne comme un boulet. Si tu savais, j'en suis lassée, yeah, yeah. J'ai trouvé mon centre de gravité. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai lâché prise et j'ai quitté les terres gelées de ma banquise. J'ai trouvé la force de pagailler, seul sur mon radeau de fortune. Entre les courants et la lune, je ne vis que pour te retrouver. Petit détour par toi. l'encre qui rature. Deux, trois mauvais souvenirs qu'on a bien voulu suivre. Infortuné dans tes bras, des mélodies en larmes, suspendu à ton cœur, petit retour au bonheur. Un voilier sur la mer, deux, trois courants contraires. Un bol de chocolat aussi simple que ça. Des projets pour l'été, des mélodies en ré, suspendu au voyage, petit tournant de page. Programming is supported by El Minnesota de Hoy and the Walker Arts Center, presenting Cinema Revolution Cuba. In the 1960s, groundbreaking Cuban filmmakers found their own aesthetics, pushing beyond the influences of Europe and Hollywood while gaining international recognition. This film series highlights selected classics presented in Spanish with English subtitles. This week's selection, 1977's One Way or Another, intercuts documentary-style footage with a love story set in 1960s Havana. Playing Thursday, February 15th at 7 p.m. More information at walkerart.org. I'm not afraid to die. Quand tu m'embrasses, pourrais-tu m'expliquer pourquoi? Quand tu m'embrasses, tant de choses se passent en moi. Je sens comme un courant qui soudain me parcourt et m'enivre. C'est pourquoi si souvent à tes lèvres, mes lèvres se livrent. Oh, et quand tu m'embrasses, je suis comme un pantin brisé et je crie grâce sous tes baisers. Je ne sais plus du tout ce que je fais. C'est fou l'effet que ça me fait quand tu m'embrasses. Je suis électrisé quand tu m'embrasses. Je ne connais rien de pareil quand tu m'embrasses. Je fonds comme une glace au soleil. Je m'accroche à ton cou car le sol sous mes pieds m'abandonne. Et je vois tout à coup dans tes yeux des lueurs qui m'étonnent. Oh, quand tu m'embrasses, je perds soudain tous mes esprits et ça efface tous mes ennuis. Il y a des printemps qui naissent autour de moi et le reste ne compte pas quand tu m'embrasses. Mon cœur est fou de joie, oh là là, quand tu m'embrasses. Enivré, je ferme les yeux quand tu m'enlaces. C'est merveilleux. On est au bord du gouffre le plus beau. Le bonheur nous colle à la peau et le temps passe. Follement pour nous deux. Quand tu m'embrasses, chérie. Quand je t'embrasse, mais oui. Quand on s'embrasse, on joue avec le feu. Écoute ma voix. ce que j'ai dedans. S'il te plaît, désire m'embrasser sur le champ. The Cedar Cultural Center presents Jorma Kaukonen. A founding member of both Jefferson Airplane and Hot Tuna, Jorma Kaukonen delivers an evening of American roots music, blues, and fingerstyle guitar to the Cedar Cultural Center on Wednesday, February 14th. Tickets and more information at thecedar.org. KFAI is recognizing Black History Month with special programming throughout February. We will be taking time to honor those who came before us and highlighting the next generation of notable African Americans in the Twin Cities and around the country with short features and full-length programs. Find more information and audio archives online at KFAI.org and watch for special program updates on our KFAI Facebook page. Thank you.

mon cœur chanter. Je vous retrouve à mes côtés, me serrant très fort pour danser, guettant la nuit pour m'embrasser, murmurant des folies tout bas, me forçant à rire aux éclats, me faisant fermer les yeux avec un frisson merveilleux, me pressant doucement les doigts, comprenant mes secrets et moi, prenant l'air d'un enfant gâté. Quand vous voulez tout emporter, et soudain les yeux éperdus, me rendant mon bonheur perdu, tout redevient réalité en écoutant mon cœur chanter. En écoutant mon cœur chanter, je vous retrouve à mes côtés, me serrant très fort pour danser, guettant la nuit pour m'embrasser, murmurant des folies tout bas, me forçant à rire aux éclats, ou me faisant fermer les yeux avec un frisson merveilleux, me pressant doucement les doigts, comprenant mes secrets et moi, prenant l'air d'un enfant gâté. Quand vous voulez tout emporter, et soudain les yeux éperdus, me rendant mon bonheur perdu, tout redevient réalité en écoutant mon cœur chanter. À l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or at bonjourminnesota@gmail.com. Merci, Danny. You're very welcome. Il est 9h à Minneapolis. It's 9 o'clock, 21h. Et nous sommes en train de jouer les chansons en français, bien sûr, sur Bonjour Minnesota pour le Saint-Valentin. So, Valentine's Day show, we have some dedications, and I know that some of our listeners are having a hard time hearing us, despite the fact that I adjusted the dial. So I want you to know the last song by Charles Trenet, En écoutant mon cœur chanter, is for Louise, because Louise, we love you. And Carol and Olaf, who are not here this evening, we are playing some great songs for you as well. So let's get on with our dedication, and I'll be as loud as I can. We'll get an engineer to find out what's going on. But in the meantime, let's go ahead and take a little trip on a romantic tour with some Richard Anthony. He made a lot of great songs in the 1960s that were covers of American songs, but this song just really is typical French love song. And let's go on a trip. Here we go. Thank you.

KFAI keeps getting better because of its volunteers. I'm Matt. I work the front desk and I read for promos. I volunteer at KFAI because I'm passionate about radio and enjoy serving traditionally underrepresented communities. If you want to join us, whether on air or behind the scenes, take the first step. Attend a volunteer orientation meeting. They happen the first Thursday of every month at 6:30. Let us know you're coming with an email to volunteer@kfai.org. I love this. All right. We just heard Edith Piaf with Les Amants, and before that, Hymn à l'amour, the hymn of love. And I dedicate both of those songs to Louise, who we love, who's out there tonight, and to all of the crew as well, but especially Louise. Bisous, and let's take a little detour and listen to some great songs about great lovers. So, and people who are in love. So there's some fantastic couples that you think about in time, but this song in French, Bonnie and Clyde, and who sings it best, but Brigitte Bardot and Serge Gainsbourg. Here we go. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez.

All right, that Francis Cabrel is for Carol, who called in. Thank you, Carol. We miss you so much, and thank you for calling in. I'm wishing you a super Valentine's Day. Before that, we heard Jeanne Moreau with Le Tourbillon de la Vie. Le Tourbillon, and her voice is so young there, and we just lost her a couple years ago, but she was an incredible actress, and that song is about, like, running into somebody again, and life just goes around in circles, and it becomes enlaced and around, and then you see them again, and you on s'est perdu de vue, and then we ran into each other again, and that's just a beautiful story. Before that, Amadou and Miriam with Je Pense à Toi, one of my favorite songs, that Malian couple, they were just here at the Cedar in concert. And before that, Brigitte Bardot and Serge Gainsbourg with Bonnie and Clyde. Let's listen to another dedication, and this is for Isabelle with Que reste-t-il de nos amours? Merci, Isabelle, and I'm sorry I didn't find the Christophe Willem and had to play the cover song for you, but I hope I can be excused with this song. Here we go. Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours? Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé. KFAI can give your business or organization a higher profile in the community. All you have to do is join the list of KFAI underwriters. Underwriters tell their stories in 30-second announcements heard on KFAI programs, on the air, via live stream, and on demand. KFAI's wide variety of programs mean you can choose the specific audience you want to target with your message. KFAI will create a customized underwriting package to meet your needs and fit your budget. Sound good? Ready to get started? Contact KFAI Underwriting Manager Katie Thornton at 612-354-9274. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Non pas cette fois, toi qui m'as usé le cœur, toi pour qui j'ai versé tellement de pleurs, tu serais fière sûrement de savoir que maintenant, pour moi, c'est arrêté le temps. Et si je t'aime, si je t'aime, quand bien même, si je t'aime, si je t'aime. All right, we just heard Marie Laforêt with Si Je T'aime. And before that, of course, we've had some great dedications. Danny, would you like to do a shout out? Yes, this next song is for my wonderful daughter, Riley. She asked me to do a shout out for her, so this one's for you, kiddo. Love you. All right, here we go. And this song is called Love Letters, and I'm going to break the rules. This is an instrumental. Great jazz, French music. Here we go. Billet Doux by Django Reinhardt. All right. We want to wish everyone a wonderful Valentine's Day, and we will end the show with I Will Wait For You, Les Parapluies de Cherbourg by André Roux. And this is dedicated to Eric. Thank you for calling in, as well, my Auntie Barb. À la semaine prochaine. Merci. Good night, everyone. Thanks for tuning in. Here we go.